que c'est important quand une personne elle se guérit de sa maladie parce qu'à un moment elle trouve une voie de sortie pour sa guérison. Parce que le portail, quand elle s'ouvre, à un moment c'est important de trouver sa voie de sortie pour sa guérison. Et ça c'est important. Parce que si elle ne trouve pas sa voie de sortie, à un moment on se demande qu'est-ce qu'elle a fait là pendant ces années-là. Qu'est-ce qu'elle a fait là pendant ces années. Et ça c'est important. De comprendre, on a qu'une seule vie, on n'a pas deux vies, on n'a pas trois vies, on n'a pas quatre vies, on n'a qu'une seule vie. Mais dans la vie, il faut être discipliné. Alors, comment tu peux aussi guérir la planète, par exemple? Guérir la planète, que seulement s'il y a une personne qui les étend la main dans l'hôpital. Qui commence à soulager le patient qui est malade. Parce que le patient qui est malade, il a besoin d'être soulagé par le médecin. Le médecin traitant, il y a le médecin traitant, il y a le médecin du cabinet. Et il y a l'ordonnance du médecin qui s'occupe de ça. Et il y a le secret professionnel du médecin, tu vois? Mais si toi tu serais un médecin, c'est quoi ton spécialité? Tu guérirais quoi comme maladie? La maladie de Corazon de Boy. Micro, micro, Si micro. elle a du Corazon de Boy, il faut l'emmener dans un cabinet pour retirer les grosses viandes qui sont dans le corps. Après, il faut coudre le corps. Il faut retirer la maladie qui était dans les reins. Si c'est à un moment, c'est une maladie qui était dans les reins, il fallait retirer le caillou qui était dans les reins. Et dit Bourdieu, qu'est-ce qu'il avait sur le problème du monsieur qui allait toutes les semaines à l'hôpital, il avait un caillou dans les reins, monsieur Eddie Bongo, tu vois. À un moment, il fallait qu'il se guérisse. Voilà, donc on continue cet entretien avec le docteur Bastien Roberto Carlos. Il est en train de nous dire comment on guérit tout type de maladies individuelles, planétaires, collectives, la maladie de Bassin, la maladie de Roberto Carlos. La maladie du plasma, la maladie contre le VIH, maladie contre l'hépatite, maladie contre le cancer de Suarez, maladie contre le cancer de. Comment la personne elle se sent mal avec le cœur. Si elle a mal au cœur, il faut qu'elle repose le cœur. Vous voyez, il faut qu'elle a besoin de sieste, la personne. Si la personne elle perd le rythme, à un moment, il faut qu'il soit au repos pour qu'il garde le rythme, pour que le cœur puisse respirer, parce que le cœur fait des booms à chaque fois. Et le cœur a besoin de faire ça, boum, boum, boum, boum, boum, boum, boum, boum, boum, pour que le cœur respire. Comment on fait? Donc, comment on fait le cœur? Boum, boum, boum, boum. Parce que la personne, elle a besoin de respirer. Boum. Voilà. On va faire ça pendant l'émission de radio, ok? Et quand une personne vient au foyer, c'est qu'à un moment elle est passée par la maladie. À un moment, il dit, la maladie, si je la guéris pas, pourquoi je serai ici en fait? C'est ça la question. Si je viens ici, pourquoi je serai ici si je viens sans me guérir? C'est ça qui est important. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Mais c'est toi qui as aujourd'hui, en ce moment, tu as le savoir. Tu pourrais écrire un livre comme ça, avec toutes les idées que tu as. Un livre de 600 pages. Parce que le bassin, il voit que le bassin, il a besoin de savoir de se guérir. D'autres se doivent se guérir de la cancérologie, d'autres doivent se guérir du hypermétrope, d'autres étaient hypermétropes. D'autres, c'est la maladie qui voyait mal avec les yeux, avec les graines. D'autres, c'était la maladie de l'audition. Il y en a des problèmes qui avaient des maladies de l'audit. Une maladie de l'audit? de d'autres qui avaient des maladies de comment on s'appelle, des maladies d'emphragie française. D'autres, les Françaises avaient la maladie, comment, de l'emphragie française. Elles se sentaient mal aussi. Elles étaient en petite canne. C'est important qu'on guérisse toutes les maladies. Parce qu'à un moment, si à un moment on ne retire pas du kyste, on ne retire pas de l'hématome, on ne retire pas du diaphragme, à un moment, comment la personne est guérie? Elle se guérit mal. Parce qu'à un moment, il faut qu'elle se guérisse. L'important, guérir, c'est guérir soi-même. Mais à un moment, c'est guérir aussi sa pensée. Tu vois? Y a des gens qui sont ici parce qu'ils sont schizophrènes, ils ne savent pas guérir leurs pensées. Schizophone. Il y en a qui sont schizophrènes parce qu'ils ne savent pas guérir leurs pensées. Et comment guérir la schizophrénie? En accompagnant la personne par la main. Ah, c'est beau ça. Moi, quand il y avait le Chico qui était malade à Casalfarol, là, on l'a accompagné à le tenir par la main, à l'envoyer à l'hôpital, en donnant ses habits à l'hôpital, son sac des habits. À un moment, il était tout content. On est parti faire la sortie avec Chico. À Sintra, on l'a ramené à l'hôpital à nouveau. Les médecins l'ont aidé. Parce qu'à un moment, c'était important là, à Torres-Vedras, qu'est-ce qui était leur problème? Ils avaient des maladies de schizophrénie parce qu'elles ne se contrôlaient pas. Ils se sont bagarrés. Il fallait les guérir de la bagarre. Oui. Ils étaient bagarreurs, pas possible. Il fallait apprendre à les guérir aussi. Mais est-ce que tu as des formules pour guérir autre chose? Comment on pourrait guérir les guerres, par exemple? La guerre, ça encore les maladies de la Vichy que j'avais expliqué, c'est une maladie qui venait de transmissible de la guerre. En fait, quand une personne meurt en guerre, à un moment, il faudra. Tu sais, quand il y avait le débarquement de Normandie, Ouais. à l'époque, le débarquement, c'est les Américains qui ont ramassé les Français qui ont été dans l'eau. Et le SW9 qui tirait avec les balles, avec la mitrailleuse. À un moment, ils avaient Ouais. mangé la balle. La balle, et c'est qui les avait ramassés? C'était les Américains. Ouais. Le front américain qui les avait ramassés. Mais Et pourquoi c'est tu pour crois ça. que les guerres se produisent? Est-ce qu'il y a un antidote à la guerre? Il y a l'antidote, c'est qu'à un moment, Pas le micro. tu sais qui était sur place au cimetière du débarquement, Monsieur Obama, l'année dernière, Monsieur Donald Trump qui était venu, Monsieur Sarkozy, Monsieur le Gordon Brown qui était venu, Theresa May qui était venue. Pourquoi? C'est pour rendre hommage à ceux qui étaient morts lors du débarquement, qu'on n'arrêtait pas de parler, ils avaient des maladies. Ils étaient morts avec des maladies. Oui. Et à un moment, on a rendu hommage parce ils étaient des travailleurs déterminés qui devaient partir en guerre. Des gens qui devaient partir en guerre et qu'à un moment, on les a dit qu'ils étaient morts et on les a soulevés après leur mort. Ah oui. Faut se souvenir. Et il y a beaucoup de journaux ici qui parlent du Attends, débarquement. je vais te mettre un peu. Attends, ce qu'on entend là? Tu vois, on entend là. Non, on entend rien. Vas-y, continue, hein, on Et à un t'écoute. moment, ils ont soulevé les malades de la guerre en les portant dans l'eau, comme ça, en les portant à bout de bras. Oui. Parce que c'était les Au lieu de Américains qui ont porté consentir à les. vivre. Ouais, vas-y, finis. Ils avaient porté les Français qui étaient dans l'eau parce qu'à un moment, ils s'étaient tout ratatinés dans l'eau et ils étaient morts dans l'eau du Saint-Mur. Ah oui. C'est un grand embarcadère qui déposait des soldats à 200 mètres dans l'eau. Il fallait courir dans l'eau avec la mitraillette pour tirer sur les soldats. Et à un moment, et ça, c'était important de comprendre ça. Et c'est le SW9 qui gagnait la guerre et pas les Français, parce Ouais. qu'ils étaient sur le sable. Il fallait comprendre un moment. Oui, d'accord. Tu veux qu'on écoute un peu Antonin Artaud là? Oui, on va écouter. On va mettre un peu, on va les commenter. Les malades et les médecins, la maladie est en état. la santé n'en est qu'un nom plus mort. Je veux dire plus large. Il dit plus large. Vas-y, destin. Vas-y, tu peux commenter, après on reprend. Qu'est-ce qu'il dit Artaud là? Ah, Nathalie Artaud, il dit le lard et du destin. Le problème, c'est que les gens avaient des maladies de lard. Ouais. C'est quoi les maladies de lard? C'est des gens qui avaient mal à l'estomac. Comme toi. Qui étaient malades. Bon, on va continuer. Pas de malade pas qui n'est grandi. Micro. Pas de malade qui s'exposait. Pas de bien portant qui n'est un jour trahi pour n'avoir jamais voulu être malade. Que n'ai jamais voulu être malade, reprenez. Tel médecin que j'ai subi. J'ai été malade toute ma vie. Il disait j'étais malade toute ma vie. Ouais. Et je ne demande qu'à continuer. Car les états de privation de la vie. Des histoires de privation de la vie qui parlait. Ouais. M'ont toujours renseigné beaucoup mieux. Et dit de renseigner. Sur la pléthore de ma puissance. De la puissance. Les crédonces petites bourgeoises. De les tridonces petites bourgeoises. De la bonne santé. La bonne santé. Comment on dit? La bonne santé. Vas-y, vas-y. Limite, la bonne santé. La bonne santé. Reprenez. Oui. Car mon être est beau, mais affreux. L'être est beau, mais affreux. Et il n'est beau que parce qu'il est affreux. Il est beau parce qu'il est affreux. Oui, c'est bien. C'est le cas des Français. Guérir une maladie est un crime. C'est écraser la tête d'un môme beaucoup moins vif. La môme beaucoup moins vif. Le lait sonne. Le lait cendre. Se perd. Mais, malade, on n'est pas trompé d'opium, de cocaïne, de morphine. Il faut aimer l'affre térébonte des pierres. L'affre térébonte des pierres. Et sa perfidie. Et sa beaucoup plus que toute euphorie. Alors, la fièvre chaude de ma tête, la fièvre chaude de ma tête, car je suis en état de fièvre, depuis 50 ans, que je suis en vie, voilà ce qu'il dit qui était vrai, me donnera mon opium, l'opium, celui, tête chaude que je serai, opium de la terre aux pieds. Car la cocaïne est en marche. L'héroïne, un surhomme en or. Paris. Et l'opium de cette âme, l'unification de ça, cette raclure, cette raclure en calme, prend calme, désintégration d'un vieux prou, d'un vieux, cette excrémation, c'est d'excrémation d'un vieux monde. Cette excrémentation d'un môme petit môme tanu enfoui dont le nom est merde pipi. Merde pipi. Donc, Merde, bébé. Et opium. Opium. De père. De père. Fils. Donc, qui va de père en fils. De père en fils. Il faut qu'ils font rejoindre la poudre. Quand tu auras bien. Quand tu auras bien. Père. Sans vie. Sans vie. C'est ainsi. C'est ainsi que je considère. Que je considère. Que c'est à moi. Que c'est à moi. Saint-Piternel. Saint-Piternel. À guérir les médecins nés médecins par insuffisance de maladie. Par insuffisance de maladie. Les médecins vivent. Comme si qu'elle allait à l'hôpital sans se guérir. Non, mais il dit qu'il faut soigner les médecins pour qu'eux, ils peuvent nous soigner. Ah, ils disent qu'il faut guérir le médecin pour qu'elle nous... Oui, parce qu'ils disent que le médecin, il est rempli de ce qu'il appelle la magie noire. C'est les laboratoires pharmaceutiques, les électrochocs, tout ça. Donc c'est au soi-disant malade de guérir, d'exorciser le médecin. Ah, c'est le malade d'exorciser le médecin. Qui le soigne de toute sa magie noire avant qu'il puisse nous guérir, tu vois. Voilà. Ah, pour guérir de sa magie noire avant qu'il nous guérisse. Oui, voilà, tu comprends. Ignorant de mes états affreux de malade, de m'imposer leur insulinothérapie, santé d'un monde d'abafi. Un monde d'abafi, il disait. Oui. C'est bien ce qu'il dit, non ? Pense. Oui. Attends, un dernier, Antonin Artaud, et après on va chercher les autres. Où ça sent la merde, ça sent l'être. Oh. Il a dit, où ça sent la merde, ça sent l'être. Ça te fatigue ? Ça sent, il disait ça sent la merde, ça sent l'être. Dis, où ça sent la merde, ça sent l'être. Attends, tu veux le réécouter? Attends, on va le mettre à nouveau. Je vais mettre ça parce que... Ah non, mais ça c'est... Oui, ça, regarde. Là où ça sent la merde, ça sent l'être. L'homme aurait très bien pu ne pas chier. L'homme n'aurait pas bu de passir. Mais il a choisi de chier. Mais il a choisi de chier. Il aurait choisi de vivre. Au lieu de consentir à vivre mort. À vous de consentir et mort. Pour ne pas faire caca, il lui aurait fallu consentir à ne pas être. Mais il n'a pas pu se résoudre à perdre l'être. Il n'a pas pu se résoudre à perdre l'être. Il y a dans l'être... quelque chose de particulièrement tentant pour l'homme. Attends, mais ça c'est pas la voix. Quelque chose. Ça c'est l'artorie. J'ai la prière. La prière. Il faut croire que je vous retarde. N'est-ce qu'un faux bruit? L'un de ces sales ragots. Colporte entre évier et latrine à l'heure de la mise au baquet des repas, une fois de plus ingurgité. J'ai appris hier l'une des pratiques officielles. Il disait une pratique officielle. Corsationnelle. De l'école publique. Et qui sont sans doute. Pays se croient. À la tête du progrès. Il paraît que parmi les examens ou épreuves. Que l'on fait subir à un enfant. Pour la première fois dans une école publique. Aurait lieu l'épreuve dite de la liqueur séminaire. Parce qu'il parlait, toi, du bassin. Hein, c'est le même bassin, oui. En fait, c'est la même chose que tu parlais du bassin. Tu sais, le problème de la reproduction, tout ça. Hein, il parlait de ça. Hein. Oui. Tu en as marre d'Artola ? C'est important de savoir ça. Hein. Ouais. Là, on discute d'Artola, c'est bien. Moi, je pense que tu comprends mieux qu'une personne, Artola. Bon, on va mettre un peu de musique, je vais chercher les gens en bas. Je vais rentrer à la maison là. Déjà ? Oh, tu vas nous laisser tout seul là ? Non. Oh. Oh. Au revoir. Merci, Bastien. Tu es là ? là encore la semaine prochaine, hein. La semaine prochaine, je vais être en vacances. Dans la porte, j'ai un monstre white cube. Sur son tarbe, on va faire de fixe. La lumière brille quand même dans sa lumière. Dans le vibe, on est à mon écran. J'ai dû t'aller décaler quand on s'y cache. Non, dis-moi, je la cache. Chiche! Tu m'as vu flair, moi j'suis mort. Tu m'as vu flair, moi j'suis mort. Tu m'as vu flan, moi j'suis m'la. Tu m'as vu flan, moi j'suis m'la. Tu m'as vu flan, moi j'suis m'la. Dans l'idée d'être de Paname, dans un grand lot, s'il y a trop de vacances. Chaque soir, j'en ai perdu quelques gouttes avec l'argent, m'emmène dans la savane. J'm'évade dans la purple room. On fume un terre avec quelques genoux. Visant sous ma juste à tout sa faune. Tellement maladroit, ton cœur j'touche. Quand le moteur est en marche, regarde bien avec qui tu. Marche sur le dos de l'état, viens me faire de la maille ténébreux et foncer sous les rébats. L'histoire d'une caille, tu vends de la caille, vaut comme on flanque. Hein. Sans se calmer, figure de rester. On arrive avec les piles. Elle s'amuse. Dans la porte, y'a mon fraquille. Sur son tarbe, un verre de fixé. La lumière brille quand même dans sa lumière. Dans le vibe, on est dans les cas. J'ai dû t'aller décaler quand faut du cash. Non, dis-moi, je la cache. Chiche! Tu m'as vu flair, moi j'suis m'la. Tu m'as vu flair, moi j'suis m'la. Tu m'as vu flair, moi j'suis m'la. Tu m'as vu flair, moi j'suis m'la. Tu m'as vu flair, moi j'suis m'la. Tu m'as vu flair, moi j'suis m'la. Fuck les brunettes. De furtif et c'est braille gros avec ses pas beaucoup on sait pas que piglas on siroté avec une fraille d'étale sans bruit sans faire de détails. J'tout donne les piques et j'garde les pétales. Notre flow on l'étale mais qui peut arriver. Imagine végétale, ouais. Inhala végétale, ouais ouais. Inhala végétale. J'vois mon avenir dans une tasse de thé. Retiens notre âge, retiens nos tétés. Comme un bout de shit mais qu'on va rester. Jamais tu pourras t'es gratuit contact seulement quand tu les restes. Les arbres la verre pour un dégoût bizarre. Toi t'es né dans le mal, tu vas me l'apprendre. C'est night, tu me regardes en l'air. C'est pas que je t'ai goûté, mais putain, c'était pas. Pas que les amis seront en l'air. Yeah, on arrive. On arrive. Yeah. C'est le Sharingan, toi tu es Sharingals, toi tu es Sharingals. Bitch squat back, yeah, bitch squat back, yeah. Maline c'est comme crack, yeah. Bien sûr que j'ai honte de moi, j'ai mon quartier et je tombe de bas, yeah. Que les pommes qui tombent de bas, yeah. Que les putes se trompent de place, yeah. J'mets quelques billets en plus, yeah. Pour avoir la première classe, yeah. Que les pommes qui tombent de bas, yeah. Que les putes se trompent de place, yeah. J'mets quelques billets en plus, yeah. Pour avoir la première classe, yeah. J'aime ni les chiffres ni les lettres. J'aime les actes, yeah. J'aime les actes, je préfère les actes. J'aimerais savoir que c'est mon bien bien. Parle un peu pour entendre ta voix. Vous m'entendez? Ouais, on t'entend bien là, tu t'entends? Ouais, je m'entends bien. Ouais, vous, madame, c'est votre prénom, c'est que j'ai oublié. C'est Rosa. Ouais, super. Est-ce que vous mettez vos casques et parlez, parce que comme ça vous entendez votre voix. Voilà, et prenez le micro et parlez. D'accord. Là, voilà, par exemple. Oui. Dites quelque chose. Voilà, on s'entend. Bonjour. Voilà. Bonjour. Voilà, on est là, on s'entend bien. Mmh. On est Radio Métanoïa. En 10 minutes, on est en direct. De qu'est-ce que vous voulez en parler aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un sujet que vous voulez aborder? Moi, un sujet d'amour. Sujet d'amour? Ouais, d'accord. Ouh là là. Ok, vous allez en parler. Et vous, madame, c'est un sujet? Je sais pas trop. Les Jeux Olympiques. D'accord, ok. Déjà, on a deux sujets, amour et Jeux Olympiques. Hein, et... Ouais, bah, l'amour et la paix. Ok, on va en parler de ça aujourd'hui. Et vous voulez écouter un peu de musique qu'est-ce que... Ouais, une petite exclu que... Qu'est-ce que vous voulez écouter comme musique Plus amour et paix. Amour et paix, on va mettre un espèce de Bob Marley, ça vous va? En français, traduction française. Ah, ou... traduction française, qu'est-ce qu'on peut faire en français? Vous ne connaissez pas Bob Marley, les chanteurs? Si, mais je connais, mais... En... Vous voulez quelque chose en... Ah, je sais, en... En exclu, en visuel. Comment il s'appelle Il y a la crime. Il y a un groupe qui s'appelle... Comment il s'appelle Ah ouais. Un groupe de reggae français. Il y en a plein, mais il y en a un qui... Vous aimez un chanteur français ou quelqu'un ou un groupe ou une chanteuse? Moi j'aime bien, c'est Jericho de la Crime. Jericho de la Crime, attendez, on va chercher. Ou 17 novembre. Jericho la Crime. Et vous, madame, vous avez. Attends, on va chercher. Je sais pas trop. J'en ai écouté en bas déjà. J'ai pas trop. Nos cœurs sont faits d'argile. Nous partirons en poussière. J'ai du mal à admettre, j'ai souvent mal et souvent je suis fier. C'est vrai, je t'ai haï. Je t'ai aimé comme PS2. Ah, c'est ça la chanson? J'arrive pas à la trouver, attends. Jericho, la Crime, c'est le nom oui, du groupe. La Crime. La Crime, c'est le nom du groupe. Je connais pas. La Crime. La Crime, c'est le chanteur. Ah. Voilà où? La Crime à Mister Juice, hein? Ouais, non, moi c'est Jericho directement, faut mettre. J'arrive pas à le trouver, mais on va trouver. Jericho, c'est le nom du groupe ou c'est de la chanson? C'est le nom du titre. Ok, ok. Non, j'arrive pas à trouver Jericho, le... Jericho, la crime. Aussi, non, 17 novembre. Vous... Attends, je vais voir, c'est ça. Attends, je vais... Ça, tu m'as dit si c'est ça, hein? C'est pas si terrible, et gagner c'est pas forcément ce qu'on voulait. Celle-là, ouais, ça peut être ça. Je veux la zig dans ma vie jusqu'à 44. Pourtant j'ai peur encore quand tu découvres mes sons. La vue sur la mer et la mienne, je veux la même en cadre. Sous le sun, y'avait pas tout ça. Je m'écarte, j'éclipse juste un peu de douceur. Ils veulent qu'on avance dans le vide avec leur de vie et une tête sur le sol. Fini d'étaler toute ma graille dans le plat. Pour dire qu'on est bien, y'en a même. Ouais, tu peux chanter au-dessus, hein, tu veux. Dans ma tête, on est plein, je me sens comme trop. On peut la remettre au début. Ouais. Ça va? J'enregistre une fois et après... Attends. Tu vas bien? Je vais prendre un micro, il y a des casques aussi. Hein. Ça va bien? Je ne sais pas comment le mettre depuis le début. On a croisé le sommet bien avant tout ça. Attends, ouais. Comme un con, je fais que zoner, je deviens insolent. Dans la game, moi je suis l'eau, c'est la même tout le temps. La musique, on l'a fait pour qu'elle voyage. Ouais. Ce soir là, je suis cassé, faible comme d'hab. On a brassé encore tout au milieu des vagues pour éviter la noyade. Ah, je vais penser. Ah non, c'est deux choses, attends. Je veux que tomber à perdre, tu me retournes. Il y a un truc qui n'est pas ça. Mais oui, c'est des bizarres. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là. C'est Jericho, on voit sur Pro 2. Je te vois, attends. C'est Jericho là, moi je connais pas. C'est celle-là. Ouais. Magnifique. Nous sommes sur le virgule, nous partirons poussière. J'ai du mal à l'admettre, j'ai souvent mal et souvent je suis fier. C'est vrai, je t'ai haï, je t'ai aimé comme pas deux. J'ai du mal à sourire quand je pense à toi comme dans les bacs. Mon cœur me dit d'aller faire autre chose. On doit faire une pause. Un loup solitaire qui doit niquer des... C'est mieux en pause. Fils bosse à l'école et rend fier papa. Prends soin de ta sœur, t'auras toute ma part. De cœur, les chèvres de peur. J'ai le mort des aides, n'est pas une petite pétasse qui se prend pour un tueur. On se s'envoler, bébé, peur de l'atterrissage. C'est pour elle qu'on croit bien que je suis. Dès que tu sales, je gère la merde dans le monde. Je gère la paix dans mon cœur. Je suis comme la valeur des montres, elle vaut toujours si t'en prends soin. Appelle-moi si besoin, la guerre c'est pour les fils d'Ep. Pour avoir le sentiment que t'existais. La vie est ainsi, je suis sombre dans mes récits. Je suis pas dormir ici, j'ai pleuré du sang. Demandez au ciel de venir me prendre, mon côté de si. Ne me demande pas si j'ai réussi, parce que ce soir j'ai rien plus bête. J'attends la lune, même quand je suis au Brésil. La vie est ainsi, je suis sombre dans mes récits. Je compte pas dormir ici, j'ai pleuré du sang. Demandez au ciel de venir me prendre, ma bouteille délaissée. Ne me demande pas si j'ai réussi, parce que ce soir j'ai rien la plus belle. J'attends la lune, même quand je suis au Brésil. Avec une mère, je me suis assis. Dans le miroir j'ai fait le vide, ils pensent que j'ai vendu mon âme. J'ai pas besoin du diable, quand j'étais pauvre les seuls pour moi présents c'est mes couilles et mon arme. Quand ça brava Morito, connais le bébé le Morito. Des vampires, faudrait penser à mettre de l'eau dans les taux gros. Je vois nos vies se dégrader, la valeur de mon geste est bradée. Des fois t'as pour avoir les clés dans les mains, mais t'as pas de trésor à cacher. C'est personnel, faut que je remplisse le morceau. Le bijou que j'aime sous mon aide, l'ami j'ai le seum. À la fin j'ai le dorsaux, la veille j'ai niqué ma bouteille. J'ai traîné mes fesses, but dans le salon du coin. Capuche, je prends la caisse, on connaît la tresse. Je ne me couvre de vrai, j'ai autour de ma veste. Ceux qui me connaissent, je sais, je suis pas un mon coup d'essai. Mes gosses seront au top, je serai tout toujours jusqu'au décès. Gère la paix dans le monde, gère la paix dans mon cœur. Je suis comme la valeur des montres, elle vaut toujours si t'en prends soin. Appelle-moi si besoin, la guerre c'est pour les fils d'Ep. Ne fais pas pour avoir le sentiment que t'existes. La vie est ainsi, je suis sombre dans mes récits. Je compte pas dormir ici, j'ai pleuré du sang. Tout le ciel, ne me demande pas pour le ici. Me demande pas si j'ai réussi, parce que ce soir j'ai ramené la plus belle. J'attends la lune, même quand je suis au Brésil, la lumière. La vie est ainsi, je suis sombre dans mes récits. Je compte pas dormir ici, j'ai pleuré du sang. Me demande pas si j'ai réussi, parce que ce soir j'ai ramené la plus belle. J'attends la lune, même quand je suis au Brésil, dans la piscine avec la fumée. On peut faire des petites dédicaces. Dédicaces à Eva et Zoé. Ouais, Eva, Zoé, tu nous écoutes, on est sur Metanoia. C'est bien. Donc tu vois, on peut mettre de la musique, tu peux chanter dessus. Bon, on commence dans 5 minutes, hein. Donc je vais mettre une autre musique pour l'instant, pendant que je vais aux toilettes. Celle-là, elle n'est pas trop... Tu veux pas vous mettre... C'est super cette chanson. Elle est super, il y en a des nouvelles que j'ai pas eu le temps d'écouter. Vas-y, l'autre, tu me dis l'autre. Dans les nouvelles de... La de... crime. Ouais, dans le dernier, Vini Vini Vini Vini Vini Vini Vini Vini Vini Vini Vini Vini Vini Vini Vini Vini Vini Vini Vini Vini Vini Vini Vini Vini Vini Vini Vini Vini Vini Vini Vini Vini Vini Vini. Je kiffe la crime. C'est ça la veille qu'on échoue. Ne va pas te ralentir. Toujours solide, ma moto. Mentalité de gladiateur au Colisée. Tu sais, quand je fais mon boulot, je fais des millions d'isambés. Robé, je suis numéro uno. Je reviens de l'enfer, je me sens béni. Full VVS. Des VPR, c'est ce qui pèse. SM, les luttes de vitesse. Du chargeur. À la chambre, à ta thèse. Moins d'une seconde et ton corps sera réel. Ouais. Ça fait du bien dans mes yeux. Un millilitre, c'est le plus gros de défaut. L'appétit, si on sort jamais. J'ai un mal privé au Congo. Je paye les diamants, je repars. À midi, je mettrai jamais les sous dans une lambeau. Mais je vais me faire une belle villa dans ma vie. Eh oh, boy, on a connu la misère. Si tu me voyais dans le 17, c'est pour voler au bol aux invités. Si tu ramenais le bon vélo. Jamais on a dit non. C'est où je le vois dans 10 ans. Une villa, une voiture à 800. C'est rien. Eh oh. Je m'arrête ce jour de fin de mes bêtes sur le dos. J'ai fait mes classes dehors. J'ai sorti des couteaux dans le dos. J'ai mes péchés, beaucoup de couteaux. Les claves sur le dos. Aussi de milliers d'euros. Ma véhicule grimace. J'ai un solaire, j'ai mon fer et plusieurs bigots sur moi. Ouais, on a squatté le ciment. On s'est toujours promis qu'on toucherait le sommet. Le syndrome de la perquise m'a fait perdre le sommeil. Ouais, gros dans un calibre, je te fais courir John Cena. Je lève la caméra, on voit bien que c'est moi. Tu crois que tu l'as fait jouir, mais la petite simule. Tu m'as vu dans ta zone sans savoir que c'est ton voisin que je visais. Tu dors comme ma carte bleue Visa. Tu dois des sous, juste un coup de fil. La mort te rend visé. On a des calibres, on s'est visé. Des shooters d'ici. On entend mieux au casque, hein. Ça va mieux là. Ouais, là ça va. Après, écoutez là pour savoir si elle peut passer. Dans 3 minutes, on est en direct. Et après, on va écouter la musique des Furtifs aussi qu'il a. On l'a écouté tout à l'heure. Quel est le titre ? Dis-moi.